Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nos écrans.com. Vous écoutez le sur nos écrans numéro 40 et je ne suis pas Mathieu. Ah, quelle surprise! Bizarre. My name is Bruce Wayne and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos, rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. We have to fight on for those we've lost. And then we'll disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Avec moi pour ce débrief de la nouvelle série de la CW, on va commencer par les femmes. Elodie. Bonsoir. Clément. Bonsoir. Irish. Salut. Et Léo. Salut. Et donc oui, si vous avez goûté le mag... Vous savez donc que Mathieu est malade, donc je le remplace pour la semaine. Ça va faire 4 jours qu'il est malade. C'est ça, c'est ça. Allez, sur ce, on va commencer avec le débrief de, bien sûr, Legends of Tomorrow, la nouvelle série de la CW, spin-off de Arrow et The Flash. Donc les deux premiers épisodes ont été diffusés, le pilote en deux parties donc. Et avant de commencer, on va faire un petit tour pour savoir votre avis à chaud. On va faire le même ordre, tiens, Elodie. En deux mots, c'est fun, mais ça révolutionne pas les séries de super-héros, quoi. D'accord. Clément. C'est fun, mais bof, quoi. Enfin, c'est pas. c'est juste fun, mais bon, ça. Donc, à peu près le même avis. Ouais, voilà, c'est pas. Ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Voilà, donc deux avis plutôt mitigés. Skyrish, tu vas être le troisième. Je crains le pire. Même le côté fun, je dirais plutôt kitsch non assumé, qui fait que... Ah, c'est de la force déjà. Ouais, voilà, donc non, je crains le pire. Donc toi, c'est plutôt négatif, plus que c'est mitigé. C'est plutôt négatif. J'avais un avis D'accord. partagé, parce que je me t'ai dit après le premier, attendons de voir... après la première partie, attendons de voir la deuxième partie, et je peux dire que la deuxième partie m'a pas du tout... partie est pire que la première. On en parlera après, il reste encore Léo. Bah, globalement, une synthèse de tout ce qui a été dit. Hein. En effet, j'ai trouvé ça fun et sympathique, mais enfin, j'ai surtout une impression de poudre aux yeux parce que le trailer nous promettait énormément de choses et on a l'impression d'avoir quasiment tout dans ce début. Donc là, enfin, il n'y a pas un truc de plus. Et je crois qu'Elodie a raison. Enfin, la deuxième partie est moins bien que la première. C'est pas encore abouti, quoi. J'ai l'impression de voir, oui, un mélange entre Arrow et Flash avec les mêmes défauts, les mêmes avantages. Voilà, je suis un peu déçu, quoi, mais on y voit tant. Et moi, pour le coup, c'est pareil que toi et Clément et Elodie. Je suis plutôt mitigé, avec une première partie sympa, mais sans plus, hein, et une deuxième partie assez mauvaise. Donc, vraiment très mitigé, et j'ai très peur pour la suite. Surtout qu'il reste encore 14 épisodes. C'est énorme, parce que déjà, au bout de 2 épisodes... Ouais, il y a 16 épisodes en tout dans la saison. T'as déjà l'impression qu'ils tournent en rond au bout du deuxième. Bah c'est ça, c'est ça, exactement ouais. Ça. Ouais. Et surtout que voilà, Wanda et Savage, on l'a déjà. Ça va être quoi on le. L'a déjà beaucoup vu. Mais c'est pas ça. Puis le scénario, moi j'ai l'impression que là ça va être un comme les séries policières, une semaine une histoire et puis ça va être ça quoi. Une oui, semaine, mais le problème c'est comme tu disais. Et ça va être chiant, il y a pas de pilote. Enfin, voilà, le problème, c'est que ça va être focalisé sur Wendell Savage, sauf que son histoire, elle est pas énorme et ça n'a pas de quoi tenir. Enfin, le personnage n'est pas aussi important pour tenir toute une saison sur lui, à le traquer. À chaque épisode, on va nous faire le coup de on a presque eu Wendell Savage, mais il s'est enfui à la fin. Ouais, c'est la grosse crainte là. Enfin, Wanda Savage sur toute une saison. Déjà sur le crossover, on avait l'impression d'avoir fait le tour. Alors là, sur toute une série, sur 16 épisodes, ce qui est quand même vraiment long, il a intérêt à avoir un détour dans son sac ou avoir des trucs qui sortent. Déjà là, à la fin du 2, ils auraient déjà pu conclure son histoire. C'est ça. Alors que là, il y aurait encore 14 épisodes. Non, mais surtout, c'est pas The Méchant quoi. T'as pas. Non, c'est The Méchant. T'as envie de suivre tout ce qu'il y a. Peut-être pas dans le sens où tu veux parler, mais c'est The Méchant de la série. Et quand je disais qu'on l'a déjà beaucoup vu... C'est pas un méchant qu'on va adorer suivre tout... C'est ça. Ah oui, voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. on l'a déjà beaucoup vu, parce que comme tu disais Clément, voilà, un épisode, une aventure, ben, si à chaque aventure, et je pense que c'est Léo qui l'a dit, on est à chaque fois à deux doigts d'attraper Vandal Savage, non, ça va pas aller. Il y a autre chose, c'est que la promesse quand même du truc, c'est qu'ils allaient voyager dans le temps. Mais en fait, ça fait depuis le début, ils sont bloqués en 1975, et j'ai l'impression qu'ils vont rester bloqués encore en Non, 1975. non, non, ils vont voyager. Non, non, ils vont voyager. Bah, voilà, mais ça, c'est même pas une crainte pour moi, tu vois. On sait déjà avec le synopsis des épisodes futurs qu'ils vont voyager dans le temps. Voilà, bon, surtout, notamment, on a déjà un épisode avec Jonah Hex, donc dans le Far West. Far West, hein. Et avec Trajectory aussi, là, qui vient d'être confirmé. Ah, c'est Trajectory, c'est dans Flash. C'est dans Flash. Ah, c'est dans Flash? Oh, pardon. Ouais. Oui. Mais on sait, par exemple, qu'ils vont voir Green Arrow dans le futur. Mais ça va être chiant, quoi. Globalement, j'ai pas l'impression. Voilà, la série va apporter quelque chose à l'univers, quoi, à part faire du fun. C'est vrai que moi, le premier épisode, je me suis bien marré, c'était plutôt une bonne surprise. C'était fun, surtout à côté après avoir. Juste avant, je crois que j'avais vu Arrow et je m'étais juste fait chier devant l'épisode. C'est vrai que voir Legends of Tomorrow, il y avait du fun, je me marrais et tout. C'est vrai que le deuxième épisode était beaucoup plus mauvais et c'était pas. Voilà, c'est du fun, mais c'est. Enfin, j'ai pas l'impression que ça va apporter quelque chose à l'univers, quoi. Bah, moi, enfin, le premier comme Jean épisode, Carter, par exemple. Le premier épisode, j'avais trouvé ça. Déjà, j'étais mitigé. Mais il y avait quelque chose qui avait relevé mon attention en fin d'épisode. C'est notamment quand Rip Hunter leur apprenait qu'en fait, ils étaient rien dans le futur et qu'ils avaient été choisis juste parce qu'ils étaient pas importants à la timeline du futur. Et ça, j'avais trouvé ça génial. Ça a relancé. L'intérêt pour l'épisode. Et juste après, la série s'est terminée. Il y a beaucoup de copies de séries, parfois des clins d'œil bien volontaires. On pense notamment à Star Wars, notamment avec la blague qui m'a fait hurler de rire. Je vais boire un verre 2 secondes et vous engagez des fights avec Boba Fett. Ça, j'ai trouvé ça très drôle. Ensuite, la référence à Doctor Who, elle est. C'est pas une référence, c'est du pompage. Oui, c'est plus une référence. C'est du pompage, je suis désolé, Arthur Darling. C'est déjà le maître. Voilà, les Time Master. Code, c'est du. C'est pas un Time Lord, c'est un Time Master. Voilà. Le costume, le manteau, c'est celui du Docteur. Le Vortex, c'est exactement après, le même. Le costume manteau, c'est pas vraiment. Je pense que c'est parce qu'on a tous, comme référence David Tennant en Docteur. Mais par exemple, Matthew Smith, il est pas toujours en manteau. Mais c'est pas le problème. Mais le trench coat, c'est celui de Tennant. Enfin, faut pas déconner. Le trench coat, la brique. Pas s'attaquer à Tennant. Mais bien sûr, je m'attaque pas à Tennant. Je le vénère. J'adore cet acteur, mais voilà, oui, mais au final, mais quelque chose aussi que je trouve, mais impossible. La deuxième partie du pilote, mais t'as cette fight, t'as cette bagarre où ils sont devant, je sais pas, c'est un musée, cet endroit. T'as à l'extérieur la bataille entre Vandal Savage et les deux Hawkman et Hawkgirl, c'est ridicule. Tous les combats sont ridicules. Exactement. Non, quand tu vois comment ils s'appellent, Snart et son frère qui sont avec leur pistolet laser qui te font des. Non, oui, c'est pas son frère, mais bon. Quand tu leur vois avec leur pistolet, avec leur fusil et tout, qui oui. font des. Mais mec, Hunter avec son petit flingue laser, il est assez ridicule sur le terrain. Est-ce que vous avez remarqué que dans les combats où ils sont tous ensemble de groupe, on les voit pas vraiment se battre, on voit juste des faisceaux de lumière. Bah, c'est notamment à cause de Snart et Heatwave. Oui, mais il n'y a pas que. Il y a aussi les. Comment il s'appelle? Iron. Ah oui. Atom. Non, pas Atom. Comment il s'appelle? Le docteur et le Firestorm. Jeune. Firestorm, ouais. Firestorm, voilà. Eux aussi, tu ne vois qu'un rayon de lumière avec le feu. Et Atom aussi, ce qui balance des trucs. Enfin, tu ne vois que ça. Il y a un écho chez toi. Chez qui? Chez Elodie. Ah ben, j'en ai un chez toi, moi aussi, Arnaud. Ah ben là, c'est bon, j'entends plus d'écho. Ok. Non mais les fights c'est limite ridicule. Le premier épisode, ils ont un chasseur de primes, ils sont 6, bah oui, ils sont 10 atomes, ils ont les flingues des rogues et ils sont pas foutus de l'abattre. Oui. Enfin, mais même tous les combats sont mal orchestrés. Quand tu vois le combat à la fin, c'est exactement le même chose. Enfin, si on peut imaginer qu'ils ont réfléchi à la mise en scène, mais c'est exactement la même bouillie que dans l'épisode 2 quand ils sont en train de se battre après les enchères. c'est un amas de, oui. Ah, oui. De personnages dans tous les sens, de faisceaux de plusieurs couleurs, tous les sens. Ça, c'est ridicule. Là, t'as l'impression d'avoir été trompé sur la marchandise après des trailers qui vendaient du rêve. Et d'ailleurs, il y a au moins 3 scènes des trailers qui sont là. Donc, à la limite, on dirait qu'ils nous ont tout foutu là pour nous donner bien envie et pour montrer que finalement, toutes ces actions, tous ces trucs, c'était un peu un arbre qui cache la forêt, quoi. C'est beaucoup de bruit pour rien, beaucoup de tirs dans tous les sens, de pam pif pouf, enfin tout ce que tu veux partout pour nous dire voilà. Et autre chose, quand je te parle, la première partie du trailer, vous avez remarqué combien de failles dans un bar il y a? Il y a deux failles dans un bar et c'est peut-être le degré zéro de l'imagination. Après, je veux que ce soit un passage obligatoire quand on forme une équipe. On dit voilà, on veut vous allez réfléchir et revenez avec la réponse. Mais on n'est pas obligé d'être aussi caricatural. Tous les personnages ils vont prendre, je sais pas, un moment. Ceux qui ont une famille vont voir leur famille. Non, faut être un peu plus inventif que ça. Mais en fait, il y a un souci de base, ouais. Après c'est l'histoire, mais il y a trop de personnages. Il y a trop de personnages d'un coup et qui, je trouve, ne forment pas forcément une bonne équipe tous ensemble. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire. Oui, si. Il y a des trucs qui ne passent pas, je trouve, le fait que des duos, des trios ou des... Je pense qu'il y a certains personnages qui sont tellement énervants que tu as envie de les virer du truc. Bah, je sais pas, le trio fonctionne plutôt bien. Oui. Heatwave et Snarf n'étaient pas nécessaires tous les deux. Je ne vois non, pas. Non, mais Heatwave, il est énervant peu importe où. Oui, il est chiant. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Quoi. T'es obligé d'avoir les deux, malheureusement. Mais Snarf, moi j'aime beaucoup Snarf. Quoi. Je trouve qu'il Snarf. Je trouve que c'est l'un des meilleurs personnages. Mais c'est vrai qu'Heatwave, de toute manière, même dans Flash, moi il m'insupporte. L'acteur en fait des tonnes, c'est insupportable. Non, mais il est dans le tout match, Heatwave, c'est clair. Oui, c'est clair. Mais après, je me dis, il y a Heatwave, mais après, heureusement qu'il y a quand même Snarf, parce que quand même, moi, c'est un personnage que j'aime bien, j'aime beaucoup l'acteur, le rôle qu'il donne, et puis, il y a quand même des interactions, malgré ça, entre les personnages qui sont plutôt sympas, mais globalement, c'est vrai que ça a vendu du rêve, et puis en fait, c'est le ratage total, quoi. Vas-y. Aussi, j'allais dire Sarah Lance, à part la caution féminine, je vois pas on trop. On est d'accord. Mais elle est insupportable dans Arrow. Oh, oui. Insupportable comparé à Laurel, s'il te plaît. Oui, bah, là, lui, mais... Je préfère Laurel à Sarah. Ah bah non. Ah non. Ah bah, non, moi, la caution féminine du truc, la caution féminine de la série, je ne vois pas à quoi elle sert pour l'instant. Ah bah rien, c'est juste se battre. Ouais, c'est ça. Et on n'en a pas parlé, mais c'est un peu les personnages principaux, si on peut dire, puisque l'histoire est centrée autour d'eux. Mais Hawkman et Hawkgirl, ne se mêlent jamais, enfin, on les voit jamais se mêler aux autres personnages. Ils restent toujours à part. C'est un peu leur série, parce que là, les deux premiers épisodes sont faits sur eux, le deuxième épisode encore plus, surtout. Je sais pas si ce sont les deux. Oui, mais enfin, j'ai un peu. Bien de la série. Mais j'ai un c'est peu le défaut. Surtout que c'est incohérent. Dans la première partie, on nous réexplique toute l'histoire avec Vandal Savage, que c'est un immortel, qu'ils viennent de l'Égypte antique, etc., etc. Et Hawkgirl paraît surprise alors qu'on lui a expliqué dans le crossover. Et pareil, quand ils rencontrent leur fils, les deux sont surpris de réentendre leur histoire alors que Hawkman l'a quand même raconté à Hawkgirl, mais il a déjà oublié. Hawkman dit qu'il se souvient de tout ce qui s'est passé en ses précédentes vies alors qu'il a l'air de se souvenir de rien du tout. Oui, mais surtout, le pire, c'est qu'il est censé se souvenir de toutes ses vies, mais ne se souvient pas d'avoir eu un enfant. Il ne se souvient pas d'avoir donné la dague. Quand même, il y a beaucoup d'incohérences autour d'eux et c'est juste chiant. Toute l'intrigue autour d'eux est chiante. Si en plus c'est incohérent, c'est... Tu peux le dire, Arnaud, c'est plombant. Hein. C'est plombant, c'est juste. C'est un des défauts de cette série et de base des personnages, c'est que Hawkman et Hawkgirl sont en permanence à se dire, enfin surtout l'un à dire à l'autre, tu ne te souviens pas, allez, souviens-toi, ça fait 4 épisodes, c'est bon, c'est chiant, c'est. Oui. Voilà, à un moment, faut peut-être évoluer. Et à répéter, on est destiné à s'aimer pour l'éternité, etc. Ah oui, et elle. Hawkman, le gros lourd, tu vois, qui dit voilà, on est destiné à être comme ça, et je te force, et je te force, et je te force, et puis à la fin, elle qui lui fait oui, finalement, j'ai des sentiments pour lui, alors que le mec a fait du forcing dans la tête. On l'a vu, c'est tout le temps la même chose, c'est classique. Et alors, le pire dans tout ça, c'est que non seulement ils tiennent un petit peu l'histoire, mais en plus, ils sont censés faire partie d'une équipe, et ils sont jamais, en effet, en osmose avec les autres personnages, donc ce qui fait qu'il y a un truc un petit peu à part, les autres qui s'ajoutent pour faire un petit peu la caution fun, et faire une semi-histoire à côté avec Hawkman et Hawkgirl, à laquelle on est déjà bassiné depuis le crossover entre Flash et Arrow, là, avant Noël, et tu te dis qu'ils sont partis pour continuer encore là-dessus pendant plusieurs épisodes. Enfin, il y a un problème d'équilibre dans cette série, surtout, clairement. Moi, j'ai un peu plus peur pour la série, parce que c'est surtout, deuxième épisode, bah, ils font crever Hawkgirl et Hawkman, donc ça veut dire qu'on va devoir retaper leur coup. Hawkgirl n'est pas morte. Hawkgirl n'est pas morte. Mais de toute façon, j'avais déjà ce doute parce qu'il me semblait dans les si vous regardez bien les affiches promotionnelles au tout début dont on avait annoncé, il y avait pas Hawkgirl. Donc au début de la série, moi je pensais toujours que je devais avoir il y avait pas Hawkman. Je pensais toujours que je devais avoir que Hawkgirl. Oui, mais il n'y avait pas non plus la deuxième partie de Firestorm, tu vois. Enfin, ils l'ont ajouté après. Oui, mais quand même, tu sais, c'est un peu plus délicat de ce côté-là. Mais là que Hawkman meurt, je n'étais pas trop surpris. Après, je ne sais pas si c'est un personnage récurrent. Je ne sais pas s'il va revenir ou... Ils vont voyager dans le temps, donc ils vont forcément le revoir. C'est même limite prévisible. C'est-à-dire que cette fois, c'est Hawkgirl qui va chercher Hawkman pour lui dire « Oh, finalement, je t'aimais, regarde, c'est moi maintenant qui vais tout te rappeler pour que finalement on vive ensemble. » Ça va tourner en rond. Voilà, et le pire, c'est que non seulement ils tournent en rond, mais en plus, ils n'ont pas encore vraiment trouvé de solution, ce qui fait qu'on va encore se taper l'histoire de Hawkman et Hawkgirl en permanence, parce que de toute façon, c'est toujours lié à Vandal Savage, donc il y aura toujours ça, et il y aura toujours, j'en ai bien peur, un problème d'équilibre entre cette espèce de caution fun que sont les 6 ou 5 autres personnages, et l'histoire de Hawkman et Hawkgirl. Et ça, c'est triste, quoi. Mais surtout que le souci, c'est qu'à partir du moment où Vandal Savage va être tué, si ça arrive un jour, bah, il n'y a plus d'histoire, parce que lui, le truc, c'est qu'il a formé cette équipe pour que le mec meure et que son futur soit changé. Si ça arrive, déjà, on l'a déjà tué dans le pilote, donc dans le pilote, mais donc déjà, même quand tu annonces une série, tu tues déjà le méchant principal, comment tu veux que ça ait... je refuse pas qu'il est immortel, mais il a été tué en quelque sorte et il a été régénéré à partir d'une cellule. Mais comment tu veux que la mort de ce personnage marque dans les futurs épisodes ou à la fin de la série, lorsque tu le tues dans le premier, dans l'annonce même, c'est même pas le pilote, c'est le pré-pilote de la série. Donc forcément, tu as un rapport de la mort par rapport à lui qui est un peu perverti en quelque sorte. Et deuxième chose aussi que je voulais rappeler, c'est que dans la première partie du pilote, il y avait ce truc-là qui peut être quand même génial, c'est que ils rencontrent leur fils. Ils ont un fils qui est plus vieux qu'eux. Par rapport à leur histoire, c'est quand même un sentiment qui va être exploré. Ça peut être génial à explorer. Et tu te rends compte, mais comment tu fais en tant que femme avec l'instinct maternel? Comment tu fais? En même temps, tu te dis, t'as une relation un peu particulière par rapport à ce monsieur-là. Comment tu gères des sentiments par rapport à ça? Le fait d'avoir un fils que tu n'as jamais connu, qui est plus vieux que toi. Juste pour prendre un exemple, si vous regardez dans The Flash, dans l'épisode où il retourne pour sauver sa mère, il y a un court instant entre lui et sa mère où t'as un moment d'émotion que j'ai trouvé génial de la mère qui, il y a quelques secondes avant, elle est en train de mourir et elle est en train de toutes les inquiétudes et ne sait pas ce qui va arriver à son fils. Et quelques secondes après, elle a son fils qui est grand et qui elle le voit, elle le reconnaît, tu ressembles à mon grand-père, tu vois ce genre de choses. Et dans la série, tu as eu ce bref moment où ils auraient pu exploiter ça, et ben non. Tu sais à quoi ça me fait penser? Non. C'est l'ultime truc foutage de gueule limite, ça me fait encore penser à Doctor Who, tu vois, parce que j'ai l'impression de revoir le mystère de River Song en nettement moins bien géré, parce que là nous ressortir l'histoire du fils et du truc, parce que il y a le truc de la cohérence temporelle du fait qu'ils se sont retrouvés plus de 100 fois dans certaines vies, qu'une fois il a réussi son forcing, il a couché enfin avec Hawkgirl et qu'il a eu un gosse et là, voilà, il le retrouve plus vieux. Oh, c'est magnifique, c'est merveilleux. Évidemment, le gosse va claquer parce que... Bon, voilà, c'est bon, oui. ça prend pas non plus des masses. Hein. Enfin, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Faut construire une mythologie comme le fait un peu Flash. À partir du moment où tu fais un truc de groupe, c'est ce que fait Marvel de toute façon à l'écran avec les Avengers. D'ailleurs, j'ai l'impression parfois de revoir Avengers. Bah, voilà, le premier Avengers. Voilà. Et on lui dit, oh, et si regardez, il croyait en nous. On va enfin faire une équipe parce que quand même, on est malgré tout, on n'est pas des moins que rien. On est quand même un peu des légendes. Hein, regardez. À partir du moment où tu bâtis un truc là-dessus, tu crées une osmose. L'osmose, elle doit se faire à partir de l'équipe, mais elle doit se faire aussi au niveau de la série, de la cohérence, de la scénarisation. Et là, c'est pas possible. Enfin, il y a encore rien. Et je pense que l'un des autres problèmes inhérents à ça, c'est également de faire un pilote en deux parties, histoire de tirer un peu le truc, de nous faire une longue histoire pour vous dire, regardez, on fait un truc balèze, mais quand même, voilà, on vous en met plein la gueule, mais et pourtant, non seulement ils tournent en rond, mais en plus, on n'a toujours rien à se mettre sous la dent, hein, malgré tout ça. Donc, je comprends pas par où et par quel fil ils vont aller, parce que là, je vois pas, c'est trop flou, pour moi, en tout cas, là, sur la forme, pour quelque chose. Alors, je suis pas, moi, totalement d'accord avec toi, parce que y a quand même, on a parlé que des points négatifs, mais un des points positifs de la série, justement, moi, c'est le côté voyage dans le temps. Et bah, ce que tu disais, Erich, le fait qu'ils retrouvent leur fils qui est plus âgé, moi, j'ai trouvé ça sympa. Et dans le deuxième, le fait qu'ils se rencontrent Martin en plus jeune et qu'ils voient tous ses défauts, le côté arrogant, etc. Bah, moi, je trouve que c'est le côté un peu sympa du truc. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pas pour changer leur timeline, on va dire. Bah, c'est sympa, oui, mais c'est comment gentil, c'est traité mais... Comment c'est traité? Le côté Martin et son lui du futur, c'est sympa de prime abord, mais moi ça oui, m'a. C'est sympa, mais c'est un petit peu trop gentil, on est d'accord. Voilà, exactement. Les enfants rien. C'est du déjà vu, c'est retour vers le futur presque. Enfin, non, mais cette série. À chaque scène, il y a une. Elle a rien de nouveau. De toute manière, il fallait pas s'attendre à un traitement nouveau. C'est juste un divertissement. J'ai l'impression que ça cumule, en fait, c'est un crossover, c'est un spin-off de Flash et Arrow, et qui cumule tous les défauts de Flash et Arrow, sans mais vraiment avoir les qualités de Flash et Arrow. Oui, c'est bien le pire, oui, c'est bien ça, hein. C'est ça, les mêmes défauts, c'est le même truc lourd, le même truc un peu tragique qu'on nous sort un petit peu pour dire, regardez, on a une idée de scénario, mais en fait, enfin, il y a longtemps que la supercherie ne prend plus. Il y a les mêmes trucs, si encore ça s'assumait comme un pur divertissement qui n'avait pas d'autre vocation que juste divertir le spectateur, lui sortir du fun, lui sortir des trucs. Sauf que là, à partir du moment où ils vont nous faire un gros truc avec Wanda Savage qui est immortel et on veut nous faire tenir 16 épisodes avec lui qui va parfois perdre du terrain, qui va les héros qui vont en gagner. Bon, ça va être sympa, mais enfin pendant 16 épisodes, ça risque d'être long. Et t'as l'impression là au bout de ce pilote qu'il y a plus grand chose déjà en attente, parce que ça s'assume pas complètement comme une série comme une série de fun, de divertissement, etc. Ça s'assume comme une série qui va être un peu comme Flash et Arrow, voire en supérieur, avec toujours les mêmes défauts, le tragique un peu bateau, un peu inhérent au truc de super-héros, CW, tout ça, mais qu'on essaie de nous vendre comme un argument scénaristique, alors que clairement ça ne couvre rien dans l'affaire. J'ai très peur de ça, j'ai très peur de la suite qu'ils vont donner à ça pour justifier leur projet, parce que c'est quand même un gros gros projet ce qu'on nous annonce là. Oui, tout à fait. Je vais juste aussi prendre un autre exemple pour noter un peu aussi le fait que certains effets qui auraient pu être très bien qui sur lesquels ils auraient pu surfer pour faire quelque chose est un peu bâclé dans la deuxième partie lorsque Atom perd une partie de son costume. Les implications dans le futur sont assez graves, mais vous avez remarqué, ils auraient pu nous ramener dans le futur pour qu'on puisse constater de nous-mêmes les effets que cela a pu avoir, mais au lieu de ça, ils sont restés dans l'époque, il nous a fait une petite présentation 3D, tu sais même pas ce qu'il est en train de te montrer, en nous expliquant que les effets sont dégueulasses sur le futur. Donc pour quelque chose... question de budget, mais quand on prend l'exemple de The Flash, on sait qu'on va pas dans le futur, donc on avait Gideon ou comment il s'appelle ou Harrison Wells, allait de temps en temps dans la chambre et il voyait il y avait la page de journal. C'est un truc récurrent qui nous permettait de constater le futur. Ici, on a quelque chose de tangible qui est le Time Master qui nous permet d'aller dans le futur. Donc au lieu d'avoir Gideon qui nous dira juste que le futur a changé, on peut le constater de nous-mêmes parce qu'on a les capacités pour y aller. Quel est l'intérêt d'aller dans le futur pour voir la catastrophe et revenir en 75 pour empêcher ça? Autant rester en 75 et empêcher que ça arrive. Je vois pas l'intérêt de faire un aller-retour futur-passé pour juste nous en mettre. Justement, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que la série, c'est de la poudre aux yeux qui nous en met plein les yeux pour nous dire on est cool, on est sympa, voyez ce qu'on peut faire, sans scénario derrière. Alors que là, de faire un aller-retour dans le futur et en 75 juste pour nous montrer des dégâts, pour nous dire, vous voyez le budget qu'on a, on peut vous montrer une catastrophe planétaire. Quel est l'intérêt nouveau scénaristique? Le fait est que forcément avec la notion de temps, de relativité restreinte, leurs actions, forcément aussi infimes qu'elles soient, auront des conséquences. Et lorsque tu as la capacité de voyager dans le temps, forcément les conséquences de tes actions dans le passé, ça peut être tout un synopsis pour un épisode en entier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce que tu fais peut changer le cours du temps, c'est aussi intéressant d'étudier les implications que ça a eu. Dans Flash, on a eu l'effet inverse, dans le formidable épisode de Flash qu'on a eu récemment, on a eu en quelque sorte. Parce qu'avant, on connaissait l'histoire d'Harrison Wells, mais dans l'épisode qu'on a eu, on a eu l'origine de cette histoire-là, du pourquoi il a choisi Harrison Wells, de comment il a su pour tout pour Barry, de comment est-ce que... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc forcément, les actions qui impliquent une conséquence, c'est bien de voir les actions, mais c'est bien aussi d'avoir les conséquences quant à la possibilité de voyager dans le temps. Mais oui, mais justement, on parle de ces conséquences, puisqu'il leur dit justement, à cause de ta connerie Atom, voilà ce qui se passe en 2016 à Central City. Oui. Mais quel est l'intérêt de montrer ces images-là? Je disais que ça pouvait constituer un élément narratif, ça pourrait faire un épisode. Mais après, peut-être aussi l'une des limites de ce que je dis aussi, c'est le fait qu'ils ont Rip Hunter avec eux et Gideon qui peut déjà anticiper. Donc constater une fois dans le futur, ils peuvent pas constater après. Tu veux dire, en fait, quand ils finissent une mission, par exemple, en 75, ouais, retournent en 2016 et là, ils voient les conséquences. Oui, puisque... D'accord. Moi, je propose un triple crossover où il se passe un truc, je sais pas, en 75 ou je sais pas quand dans le passé, et qu'après, on voit les conséquences dans un épisode de Flash et dans un épisode de Arrow où le monde aurait changé et où il y a vraiment les conséquences dans ces trucs. Il faut lier vraiment la mythologie sur toutes les séries, ce qui est un peu compliqué, mais... Ouais. Ça, ce serait encore adapté pour la conséquence. Mais ça pourrait être un truc sympa à explorer. Effectivement, ça peut être intéressant, un triple crossover, comme les experts ont pu faire aussi sur leurs trois séries. Ça pourrait être intéressant. Ils font déjà avec Arrow et Flash. Voilà. Je pense qu'ils y pensent pour la saison 2 de Legends of Tomorrow. Si saison 2 il y aura, mais c'est probable. Vu les audiences. De Legends of Tomorrow? Oui. C'est un peu rapide quand même. On a juste eu le pilote et forcément t'as l'effet de nouveauté. On a eu le cas avec Agent of Shield. Agent of Shield c'est encore différent. Les audiences ont énormément chuté. Ça peut arriver. Mais pour l'instant les audiences sont. Enfin, ça doit être la deuxième ou troisième série de la chaîne. L'effet de nouveauté. Après, une fois, si vraiment ça reste sur ce cap-là, s'il n'y a pas vraiment quelque chose qui change, ça peut très vite chuter aussi. Enfin, à voir. Mais les avis sont plutôt très positifs, malheureusement. Sinon, est-ce qu'il y a, vous avez quand même des points positifs sur la série? C'est fun. Justement, Elodie, t'en parlais tout à l'heure, tu disais ça reste un divertissement. Mais est-ce que c'est un bon divertissement? Pour moi, non, c'est clair. J'ai l'impression des fois d'être un peu, comment dire, de en roue libre. C'est une série un peu bête, j'ai envie de dire. Oui, c'est vraiment con. C'est vrai, c'est un peu con. C'est fun et puis enfin voilà, c'est pas prise de tête quoi. Quand tu regardes cette série là, tu déconnectes ton cerveau. Elle veut se donner l'impression qu'elle est ambitieuse alors qu'elle l'est pas du tout. Elle est paresseuse dans son scénario et dans sa mise en scène. Elle est plus que paresseuse. Elle se fout presque de notre gueule quand tu vois elle les arguments. Presque rétrograde, un retour dans le passé. J'ai l'impression qu'elle est tout ce que les séries de super-héros. Un retour dans le passé et en plus faire des références geek à chaque moment presque. Bah, moi je ne me remets toujours pas d'Arthur O'Neill en docteur, la limite. Hein. L'impression que j'ai, ah non, c'est... Non, mais faut pas se foutre de ma gueule. J'adore Doctor Who, faut pas se foutre de moi. Et j'adore Arthur Darville, pourtant. À ton tour, hein. Quatrième fois, ouais. Je veux dire, j'ai l'impression qu'elle est un peu tout ce que les séries de super-héros ont été par le passé et l'image qu'elles essaient aujourd'hui de ne plus avoir. C'est-à-dire, ça essaie d'être quelque chose de parfois un peu, pas forcément sérieux, mais d'un peu plus fun, mais avec des propos. Et j'ai l'impression que cette série-là, elle envoie balader tout ça. C'est juste, eux, ils ont des pouvoirs. Regardez, ils ont des pouvoirs. Regardez ce qu'ils font. Ils peuvent faire des lumières. T'as un pistolet qui tire des balles. Ils peuvent voyager dans le temps. Ils peuvent. Mais concrètement, ils en font quoi? Je vois ce que tu veux. On dirait un peu. On a l'impression de suivre en fait comme des ados attardés qui auraient des pouvoirs et qui découvrent leurs pouvoirs et qui en font rien du tout. Ouais, exactement. C'est, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Alors tu vois, quand Green Arrow, enfin The Arrow a démarré, il avait un but, c'était pour rétablir la paix dans sa ville, il suivait la liste de son père. Barry, lui, c'est pour sauver la ville, à cause de son histoire passée, pour retrouver sa mère, tout ça. Dans la ville. De quoi? Parce qu'il y a des méta-humains dans la ville et qu'ils veulent faire... Oui, pour protéger sa ville. L'origine story. Alors que là, on leur balance, en fait, au début, Rebounder, ils flattent leur ego. Bah ouais. Juste, on a besoin de vous pour... parce que vous êtes des légendes, vous allez sauver le monde. Mais en fait, vous êtes des moins que rien qui ont juste 2-3 pouvoirs et qui n'ont aucun impact dans le futur. Donc, vous choisissez vous. En fait, ils flattent leur ego pour leur dire ouais, « Vous avez des pouvoirs, aidez-moi. » Mais ils ne savent pas en quoi faire parce qu'à côté de ça, ils sont sans but. Eux-mêmes n'ont pas de but à part l'aider. C'est pas vrai, ils ont quand même le but. Le but, c'est de changer. De changer, ouais, voilà. Ouais, c'est leur but commun à tous, mais chacun, ils n'ont pas leur propre but à eux, en fait. J'ai l'impression de suivre des personnages qui déambulent dans ce décor spatio-temporel. Je suis d'accord avec Elodie. Le monde. Je suis d'accord avec Elodie, c'est que justement, le fait que ce soit des losers dans le futur, moi, je trouvais ça génial. Oui, mais je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais à côté de ça, eux-mêmes n'ont pas de... Ce que je veux dire, c'est que dans Arrow et Flash, les héros avaient une histoire personnelle à côté. Ils avaient un but qui leur était propre en dehors de juste sauver le monde. Alors que eux, ils n'ont rien à côté de ça. Bah, Snark et l'autre, là, si. Snark, ils ont leur but, c'est de se faire du fric. Oui, c'est des passions. C'est pas un but. C'est des passions. Là, c'est pas une grande... pas un but absolu, quoi. Ben, c'est ça, c'est que cette idée-là, ça donne tout un chemin à la série. C'est que au final, rien n'est figé. Donc rien qu'avec cette idée de départ-là, que dans le futur, c'est des personnes non notables. Mais justement, leur but, ça va être de changer tout ça. Et donc rien n'est figé. Eux, ils sont rien. Ils pourront devenir des légendes. Oui, mais enfin, pardon, Eric. Ouais, moi, continue, vas-y. Bah, je disais, par contre, l'idée de la raison pour laquelle ils sont tous réunis, elle aussi, comment dire, bof, je sais pas. Vous avez vu le plan de début, la scène initiale qui est censée lancer tout ça. C'est un peu bof quand même. Non, mais c'est bof et c'est rapide. C'est pourquoi. C'est difficile, quoi. Exactement. Donc du coup, c'est quand même l'élément déclencheur de toute la série, et c'est envoyé, mais c'est bâclé en voilà. Voilà, dis-moi, est-ce que t'es comme ton père ou comme ta mère? Ouais, bof. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire dans le sens où il y a en effet ce fait qu'ils aient zéro but et que finalement en fait, enfin, on leur dise vous êtes des légendes et tout, et au début donc à accomplir cette espèce de destin de légende qu'on leur promet, puis finalement c'est des grosses merdes. Donc maintenant on leur dit accomplissez un destin de légende parce qu'en effet à la base vous êtes des grosses merdes, mais vous avez une chance de devenir un peu des légendes parce que si vous changez le monde, bah ce sera cool et vous serez un peu perçu comme comme des légendes. C'est ce qu'on nous rabâche. Et puis en effet c'est foutu à côté, surtout au profit de l'histoire de Hawkman et Hawkgirl qui est toujours la même qu'on nous a fait dans le sauveur, mais et au-delà de ça, voilà, il y a un personnage parce que Atom, il est tellement, enfin, Atom sert presque à rien à part envoyer quelques rayons. Oula, tu bugs dans le futur. Firestorm, il y a que parmi les deux parties de Firestorm, il y a juste Martin Stein qui a un truc, sinon Jefferson, bon, il est un peu là parce que Martin l'a un peu embarqué. Les Snart, ouais. En effet, ils veulent voler tout. Les Snart et Heatwave, tu vois, ils veulent voler, mais c'est que de la passion, c'est du désir, hein, c'est ce qu'ils ont toujours fait, mais c'est pas un but en soi. Les mecs, ouais, voilà, c'est ça, les mecs, ils sont là par intérêt, c'est tout. Et après Governor, c'est tout. Et puis Rip Hunter, il est motivé par son propre intérêt, par son propre but. Voilà. Ce qui fait que tout, encore et toujours, il n'y a pas de cause, il n'y a pas un truc fédérateur qui peut guider la série et les personnages dans le même sens. T'as l'impression de voir des personnages qui vagabondent dans le vaisseau, qui essayent de s'occuper. C'est dans la première partie du pilote, quand t'as le trio Heatwave, Snart et Sarah qui vont dans un bar, t'as l'impression de remplissage. Ils savent pas quoi faire. Oui, tout à fait. Au lieu de les voir rester assis comme des cons dans le vaisseau à attendre que les autres viennent, ils sortent prendre un coup. Et c'est une intrigue, enfin c'est une séquence qui est totalement à part du reste de l'intrigue. Et du coup, ça donne l'impression de remplissage et que les personnages ne servent à rien. Mais alors, le problème est groupe. C'est l'effet groupe, ce que je disais tout à l'heure. Le problème, c'est qu'ils sont trop nombreux, du coup. Exactement. Oui. Ils sont trop nombreux. Oui, mais ils sont trop nombreux, mais après ils sont pas traités équivalents. De toute façon, je vais prendre un autre exemple, une série que j'adore. Tout le monde voit déjà de quelle série je veux parler, mais dans Agents of Shield, ils sont nombreux. Il y a plein de personnages, mais au final, t'as pas cette sensation de comment dire. Le problème, c'est que ici, ils sont nombreux. Et au final, personne n'est traité. À la limite, si quelqu'un a été traité plus que les autres. Mais il n'y a pas d'ordre, ils sont tous à un pied d'égalité. Et il y a plein d'un pied d'égalité dans zéro. Quoi. Il n'y a aucun personnage qui. Les deux qui ont essayé de le traiter, mais sauf qu'on est fatigué un peu. On a compris, ça y est, on a l'impression de Peter Parker et l'impression d'avoir les reboots depuis Spider-Man. La plupart de ces personnages, on les connaît d'avant. On les a déjà dans Flash ou dans Arrow, donc ils ont déjà été explorés, entre guillemets. J'ai été présenté, là on a besoin justement de les explorer. Et je trouve qu'il y en a qui sont vraiment pas intéressants. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est qu'en effet, on est censé les connaître, sauf qu'on a l'impression voilà, que c'est juste maintenant des tocards. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'ils se remettent à refaire une espèce d'exploration à la con des personnages, de Snart, de trucs et tout. C'est ce dont j'ai eu peur là, dans la deuxième partie, quand ils sont dans la cage avec Atom. Et sauf qu'ils n'ont pas le temps de faire ça. C'est pas le but, c'est pas ce qu'on attend. C'est. Juste des mecs qui sont là, qui sont une équipe, qui certes ont des intérêts un peu particuliers et tout, qui sont prêts à se mettre sur la gueule en temps normal, mais qui là sont juste associés dans une petite poche dans le spatio-temporel et qui sont censés nous apporter du fun. Là, tout ça un petit peu en rythme. Là, il n'y a pas non plus trop de rythme. De temps en temps, il y a en effet, comme tu as dit Arnaud, une bagarre, la bagarre dans le bar, c'est cadeau. Enfin, c'est juste. Ouais, oui, c'est pour voilà, ça. Il faut de l'action. C'est un passage. Voilà. Et on se sert de ça pour nous cacher le fait qu'il y a un vide scénaristique énorme dans cette série. Il n'y a pas un truc derrière qui le justifie. C'est voilà, on sait que c'est enfin le spectateur est pas con. On sait que c'est une connerie d'aller dans un bar alors qu'on leur a dit de rester dans le vaisseau. Évidemment, ils le font. Évidemment, ils se battent. Évidemment, un truc comme ça. Voilà. Enfin. Il y a un problème de ton en fait dans la série parce que s'ils avaient dès le début dit on reste sur un ton fun et décalé tout le temps. Et on part sur ça et on fait une série basée sur ça, ça aurait marché, je pense. Mais que là, aussi, les images sont dégueulasses. Comment pas, les images sont moches. Non, les couleurs, tout ça où moi, c'est juste les bagarres qui m'ont un peu insupporté, parce qu'on voit que des faisceaux de lumière, on les voit pas vraiment se battre, mais à part ça. Et oh là là, Hawk Girl, je reviens dessus encore, mais la bataille entre Vandal Savage, Hawk Girl et Hawkman. Oh là là là là. Ça dure 2 secondes. Mais d'ailleurs. Ah non. Bah non, et bah si, attends, parce que lui il y va d'abord, elle reste assise et elle regarde faire, et une fois qu'il a poignardé, bon bah elle vient. Une fois qu'elle l'a tué, elle vient. Parce que et le mec il est quand même en train de reculer le couteau, elle a le temps de le voir faire. À aucun moment elle se dit peut-être que bon bah il va peut-être falloir que j'aille l'empêcher de le poignarder. Et non. Et même après, une fois qu'il est mort, elle va le voir. Au lieu de se battre, et le mec il attend derrière avec son couteau, il attend qu'elle ait fini. Bah, tu me dis quand c'est bon, faire hein. Faire ses adieux. C'est bon, t'as fini de dire au revoir à ton chéri, je peux venir te poignarder maintenant. Oh là là, consternant. Hein. comment tu peux être pris au sérieux avec des personnages comme ça, quoi, et qui sont censés être l'espèce de rampe de lancement de la série, puisque ce sont eux les plus intimement liés à Vandal Savage et qu'on nous rabâche leur histoire comme ça. Comment tu veux être pris au sérieux à partir du moment où tu traites comme ça tes personnages? C'est pas possible. Et puis surtout, ôtez-moi un truc, dites-moi si je me trompe, mais depuis quand c'est en effet Hot Girl qui devait poignarder Vandal Savage pour que ça marche? Et alors dans ce cas, si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'elle reste comme une idiote en effet à ne pas aller aider Hawkman, qui lui plante un couteau dans Vandal Savage, qui visiblement ne le sent pas et qui le plante, et elle qui met deux plombes à réagir et qui se dit pas que je disais, ouais, comment tu l'as pris au sérieux comme ça, quoi. C'est ce que je disais, c'est que lui il est en train de retourner le couteau et elle est en train de regarder. Ah ouais. Non, c'est ridicule. Mais clairement, ça, le coup du poignard, on l'a découvert dans l'épisode 2. Hein. Oui. Bien l'impression. Bah non, on savait pas. Bah, en gros, t'avais l'impression qu'ils étaient en train de nous dire qu'il n'y a que. Hawk Girl qui peut le tuer, alors qu'il me semble dans, bon, je me souviens plus bien, mais il me semble que dans le crossover, il se faisait tuer par Barry et Oliver. Mais oui, en plus, cette dague, on l'a pas déjà vue dans le crossover. Je c'est possible. Mais même pas, on dit ça, mais moi j'avais trouvé le crossover fun. Ah, mais moi aussi. Là, pour le coup, non. Là, non. Ah. Et c'est peut-être ça la connerie qu'ils ont faite. Hein. Le crossover aurait pu être le pilote. Ou alors, pas besoin des deux. Comme on avait dit, ils auraient dû faire le crossover la même semaine que l'arrivée de Legends of Tomorrow. Au lieu de le faire trois semaines avant. Ou de faire un pilote dans un crossover, mais un vrai pilote avec la production de tous les personnages. Un backdoor pilot, oui. Ben, ils ont voulu tenter ça, mais... Bah non, ils n'avaient que Hawk Girl et Hawkman dans le crossover. Mais ils tous les autres, on les connaissait déjà. C'est pour ça. Oui. Enfin, on est d'accord que ça a été mal géré, cette histoire. Oui. Mal géré. Non, ça... Bon. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le pilote? Je pense qu'on a le jeu de Snart. Est-ce qu'on en parle? Le jeu de Snart, ouais, qu'est-ce que tu as à dire? Ah, le jeu de Snart, mais cette façon qu'il a de, je sais pas, déjà prendre 2 minutes entre chaque mot. Oh, oui. Je pense notamment à la discussion qu'il a quand il est en cage avec. Il a toujours joué comme ça. Ouais, mais si on l'a en permanence, ça risque d'être lourd. Bah, enfin, non, moi j'aime bien justement parce que ça change. Moi, honnêtement, c'est exactement comme on a eu dans The Flash, ça me choque absolument pas. Et je trouve qu'au contraire, c'est l'un des personnages qui sauve la série parce que c'est un personnage qui est plutôt bien. Et j'irais pas à dire qu'il est plutôt intéressant, mais voilà, il apporte un peu d'humour. Au milieu des autres, oui, on peut dire ça. Hein. Arthur Darville, il était intéressant dans la première partie du pilote, mais la deuxième partie, j'ai cette impression de reléguer au second plan parce que déjà, il restait dans le vaisseau comme si on lui a dit bon, attends, tu surveilles le vaisseau. Il n'a pas été très impliqué. On l'a juste vu à un moment au milieu de la fight en train de sortir son pistolet laser et tirer sur on ne sait quoi. Et donc, ouais. Mais malheureusement, il sert quasiment à rien. Oui, dans la deuxième partie, il sert à rien. Dans la première partie. Cette deuxième partie est catastrophique. La première était sympathique, mais cette deuxième partie est catastrophique. Et le combat entre les Hawks, enfin entre les deux Faucons et Vandal Savage en est la parfaite représentation, tu vois, genre on essaye de faire un, tu vois, on se lance comme ça dans le truc, on essaye d'en faire un petit scénario, voilà, et puis finalement non, ça ne marche pas, donc on vous donne une espèce de mort à la con qui est un peu genre l'espèce de caution action et caution tragique du truc, et pour montrer que finalement on a pour montrer que ouais, on a rien en fait en magasin, mais que on vous sort ça pour vous occuper, et voilà, et on finit le truc là-dessus, sur une espèce de mini cliffhanger, on va dire, ah, finalement, on est tous des légendes, allez, on est cool, genre Jefferson qui s'est fait embarquer, drogué par Martin Stein, cette fois, il a tout oublié, tout va bien, et on continue. Voilà, enfin, et derrière, aucune originalité non plus côté acteur, hein. Enfin, Snart fait du Snart, Brandon Routh fait du Brandon Routh, enfin, ils ont rien de particulier. Et Arthur Darville, oui, il est un peu à l'arrière, quoi. Et puis surtout, il ressemble tellement au Docteur que maintenant, moi, enfin, j'ai du mal à le considérer autrement. Enfin, c'est... Léo est en colère. Non, mais enfin, j'aime pas qu'on se coupe de la gueule. Non, mais on a Tu vois, au-delà du fait que c'est Doctor Who, j'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Enfin, là, c'est bon. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus fun. En effet, moi, je m'extasiais sur Arthur Darvill parce que oui, j'adore Doctor Who. J'ai beaucoup aimé Rory dans Doctor Who. C'était vraiment, ouais. C'était vraiment sympa. Là, il a un premier rôle aux États-Unis. Il est British. Il est cool. Il a le trench coat. Mais je m'attendais pas à ce point à ce qu'on sorte un mimétisme et un truc. Et un truc comme ça, enfin. Ouais, donc, c'est un peu genre, ah bah t'es anglais, tu dois me dire. Non, qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur les acteurs, ils font rien de particulier, quoi. Ils font leur personnage. Pardon? J'ai dit, on lui a dit, bah. Pardon, Eric? On lui a dit, tu es anglais, donc tu dois bien connaître Doctor Who. En plus, t'as joué avec lui, bon bah. Ah ouais, tiens. C'est ça. T'as l'impression que. Voilà, donc on lui a filé le rôle du Britannique de service. Oui, voilà, c'est ça. Dans le cahier des charges, c'était. Une connaissance. Comment dire? Une connaissance avec Doctor Who est appréciée dans l'offre. Et t'as vu le pire, c'est qu'en plus sur le tournage, ils ont tous ses potes, tous les gens du casting lui ont offert quoi? Un Dalek. Un Dalek. Tu es associé à Doctor Who et tu mourras avec Doctor Who apparemment. Ben, non mais c'est triste pour la série. On va à peu près ce qui va se passer dans la suite. Peut-être comme c'était le pilote, ils ont développé une idée. Peut-être que ce ne sera pas vraiment ce que la série sera au final. Bah, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Oui. C'est bien le problème, alors qu'un pilote est censé te montrer les bases. Donc à voir sur les prochaines semaines, puisqu'il reste encore 14 épisodes. Mais encore et bon, il y a la jurisprudence Agent of S.H.I.E.L.D. Oui. Agent of S.H.I.E.L.D. a démarré à peu près autour du 14e. Oui. Donc, espérons que ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Mais vous allez quand même continuer. Oui, je vais regarder les autres épisodes pour voir à peu près ce que ça donne. Mais si c'est dans la même veine, je le mettrai. Il est sur la sellette comme son père, on va dire. Si Arrow c'est le père, si Flash c'est la mère. D'accord. J'avais l'impression que vous aviez ça passait encore. Ah, je vais continuer moi pour parce que en effet ça reste fun et c'est cool. Mais s'il continue à se foutre de ma gueule, je vais faire une pétition. Hein. En fait, je pense que vous en attendez. Enfin, en tout cas, je pense à Arnaud et Léo, vous en attendiez beaucoup, non? Je m'attendais à quelque chose de vraiment, vraiment balèze, tu vois, qui à la hauteur du trailer. Voilà, c'est ça, à la hauteur du trailer et qui transcende Arrow, Flash, qui fasse un truc vraiment genre. Voilà, qui soit au-dessus, qui fasse un peu autorité, qui fasse un truc balèze. Et en fait, enfin, non. Enfin, je m'attends à trouver quelque chose qui m'embarque dans la série-là. Il n'y a rien qui m'a embarqué. Il faut pas juste. Enfin, et le fait de tirer le spectateur avec des scènes d'action gratos, plongées comme ça, sans aucune cohérence. Non, enfin, le spectateur est pas si con que ça, quand même. Il a vu 4 saisons de Arrow et 2 saisons de Flash. Faut arrêter. Il a subi les 2 dernières saisons de. Oui, en plus, ouais. Et oui. Si on avait justement une machine à voyager dans le temps, on aurait pu effacer ces 2 dernières saisons. Et peut-être ce pilote de Legends of Tomorrow également. Ah, oh, comme non. Beaucoup d'épisodes de Flash hein, aussi. Hein. Chut, non. Tais-toi, toi. Dis pas de mal de Flash. Il n'y a pas énormément des épisodes pourris de Flash. Il y en a des épisodes moyens. Moi, je te cite, moi, à peu près les 13 premiers de Flash. Hein. Il y a des limites. Il y a un minimum de licence. C'est vrai, pourquoi on la laisse parler d'ailleurs? C'est la caution féminine du podcast, c'est pour ça. C'est notre Sarah, nous. C'est bien qu'on a de conscience. Je suis pas très. Ce serait quand même intéressant de savoir, d'avoir l'avis du chef là-dessus, non? Qu'est-ce que quelqu'un a sondé? Mais il a pas vu la deuxième partie, donc. Difficile à dire. Il nous fera ça dans son petit handicap la semaine prochaine. Tu mettras un commentaire alors sur le site. Sur ces belles paroles de notre chef adoré, on va conclure. Donc après un gros bilan à rallonge de Legends of Tomorrow, on pensait plutôt aimer dans l'ensemble, et c'est une grosse déception. Je pense que tout le monde peut être d'accord sur ça. Personnellement, j'en attendais rien, donc c'est pas une déception pour moi. Voilà, bon, t'aimes pas quand même, donc t'aimes pas plus. Ça reste mauvais. Ah, mais moi je suis pas d'accord, moi je dis pas que j'aime pas, je trouve que c'est sympathique à regarder. Ça casse pas 3 pattes à un canard quoi. Donc si vous aimez Flash, vous allez être déçu. Si vous en foutez de Flash, vous allez trouver ça sympa comme Elodie. Voilà. On peut résumer comme ça. Je pense pas moi qu'on peut résumer comme ça, mais. On vient d'en parler pendant une heure, donc si les gens veulent savoir, ils écouteront. Bah, qui regarde, hein. Chacun son jugement. Exactement. Sur ces belles paroles, on va vous laisser. Bonne semaine à tous, avec des bonnes séries, en espérant que ce sera, la semaine prochaine sera meilleure pour Legends of Tomorrow. Donc, au revoir les gens. Salut à tous. Adios. Au revoir.